Pour cette première séance, on va parler de conflits qui se déroulent dans la sphère urbaine en Amérique latine, mais particulièrement dans le cadre de villes mexicaines. Tout d'abord, on va laisser la parole à Patrice Mellet, géographe, directeur de l'UMR CITER CNRS et professeur des universités à Tours. Actuellement, ses recherches portent sur les mutations des rapports au territoire sous l'effet de la diffusion du patrimoine et de l'environnement comme valeur et cadre pour l'action publique. Et je vous laisse avec Patrick Smélé qui va nous présenter conflit, environnement et patrimoine, les spécificités mexicaines. Merci aux organisateurs. Donc j'interviendrai d'abord et puis en plus ensuite Jacques Largère donc, qui fait une thèse actuellement au Mexique parlera plus spécifiquement de la question des conflits liés à l'eau. Est-ce que le micro sert à quelque chose? Sinon je peux peut-être parler sans micro. Est-ce que je peux parler sans micro? Ça va derrière? Non, ça va pas? Oui ou non? Ça va derrière? Ça va. C'est micro, mieux sans, parce que j'ai l'impression qu'avant. J'essaie, voilà, si j'ai pas de micro, j'essaierai de porter plus. Là. Donc j'essaye sans micro et c'est quelqu'un qui vous m'aurait fait si vous ne m'entendez plus. Donc essayez de donner quelques éléments de compréhension des spécificités de cette relation entre urbanisation et conflit en Amérique latine. Donc pour reprendre la demande qui avait été faite par les organisateurs. Alors, pourquoi spécificité? Parce que, effectivement, il n'y a pas des conflits qu'en Amérique latine, mais ce qui nous intéresse peut-être de savoir, c'est en quoi, sur cette relation entre la ville et l'activité conflictuelle, et le fait que des gens se mobilisent pour dire nous ne sommes pas d'accord, ou se mobilisent pour demander des choses, on va essayer peut-être de réfléchir sur les spécificités des villes latino-américaines, vous montrer quels sont les grands types de conflits, et puis ensuite on essayera de réfléchir sur la façon dont on peut analyser ces conflits, et puis peut-être rapidement, si j'ai le temps, mais on arrêterait, de parler plus spécifiquement de la question des valeurs patrimoniales et environnementales au sein des conflits urbains et du rôle de ces valeurs. Alors, moi j'ai essentiellement travaillé au Mexique, donc il y aura pas mal de références à la situation mexicaine. Jade fait actuellement une thèse, habite au Mexique et fait une thèse au Mexique. On peut travailler aussi avec d'autres collègues latino-américains à Buenos Aires, avec des gens de Colombie ou du Brésil. Mais bon, alors effectivement, lorsqu'on parle d'Amérique latine en général, ça peut porter éventuellement à des généralisations un peu rapides, mais pour cette première partie, j'évoquerai donc la question de l'Amérique latine. Donc, en quoi il y a des spécificités, et d'abord sur la question de qu'est-ce qui fait conflit. Hein, donc, la plus grande partie des conflits, on ne parlera pas peut-être beaucoup de ces questions-là aujourd'hui, mais la plus grande partie des conflits ou des situations dans lesquelles des gens demandent des choses, se mobilisent, essayent de s'organiser dans des contextes urbains en Amérique latine, ce sont pour des questions d'accès au logement. Il y a des personnes qui n'ont pas de logement, des demandeurs de logement, des gens qui essayent d'accéder à certains types de terrains. Et donc ici, sur les photos, vous avez un collègue argentin, d'ailleurs, qui travaille sur les villas miseria et la façon dont les gens se mobilisent pour intégrer dans les politiques du logement. Donc d'abord, il faut prendre en compte cette spécificité. Une démobilisation, donc d'abord pour avoir accès au logement et ensuite pour le fonctionnement des services urbains ou pour l'introduction des services urbains. Une fois qu'on a l'habitude de parler d'urbanisation informelle, marginale, moi je préfère dire illégale parce que le plus souvent elles ne sont pas informelles, elles sont effectivement illégales au sens où elles ne respectent pas les droits de l'urbanisme ou les règlements de lotissement, mais donc un certain nombre de situations sont dans des situations de personnes, sont des situations qui ressemblent à ce qu'on a connu en France dans le contexte des mal lotis. Vous savez qu'en périphérie de la banlieue de Paris, dans les années 14, il y a eu un grand mouvement, c'était le mouvement des mal lotis, c'est-à-dire des gens qui achetaient des terrains et qui construisaient des maisons dans un contexte où personne ne s'était occupé d'amener des routes, ni de l'eau, ni des services. Premier type de conflit, accès au sol et au logement. Deuxième type de conflit important, des gens qui sont obligés de se mobiliser pour demander aux municipalités, aux pouvoirs publics, de prendre en compte leur situation, de les laisser habiter là où ils habitent, d'une part, et c'est d'ailleurs ce qui se passe le plus souvent en Amérique latine aujourd'hui, sauf dans certains contextes, les grandes évacuations, éradications de bidonvilles ou de lotissements, qui sont plutôt des lotissements clandestins que des bidonvilles d'ailleurs, ne sont plus à l'ordre du jour, elles ont été à l'ordre du jour à certains moments. Mais donc les différents types de politiques qui se mettent en place sont essentiellement des politiques de régularisation, mais une fois que, c'est-à-dire qu'on attribue des droits de propriété, politiques qui ne coûtent pas très cher, on attribue les droits de propriété, mais ensuite les personnes, les groupes, les associations doivent se mobiliser pour demander l'accès des services urbains et pour sortir des situations d'avoir à acheter l'eau et à payer plus cher l'eau en passant par des camions-citernes, donc à payer deux fois. Donc il y a des gens se mobilisent pour demander sur les municipalités, donc aux municipalités l'introduction des services urbains. D'abord l'eau, mais aussi le drainage, l'électricité, etc. Donc le conflit, c'est aussi la voie pour un certain nombre de personnes pour accéder simplement à ce qu'on appelle, ce que les collègues latino-américains appellent la consolidation des lotissements clandestins, c'est-à-dire accéder à des choses qui font partie des services de la ville, théoriquement, qui sont prévues théoriquement par les lois de lotissement, mais qui en fait là arrive dans un deuxième temps, dans le cadre de relations de négociation, de relations de clientélisme souvent, dans lequel ces situations de groupes mobilisés sont obligés de faire allégeance à des pouvoirs pour obtenir des services urbains. Donc demander des services urbains, et une fois que les services urbains, donc besoin d'eau, donc ici j'ai appris quelques éléments, ça c'est on est au Mexique, mais aussi dans un autre contexte au Mexique, ici dans une colonie de... dans un quartier de classe moyenne, une fois qu'on a des tubes pour amener l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau dans les tuyaux. Donc il y a aussi des conflits pour que les services urbains fonctionnent. Donc spécificité, si on reprend toujours cette idée, sont d'autres types de conflits, on en parlera peu, qui sont des conflits dans lesquels le conflit est la voie nécessaire pour accéder aux services urbains. Non seulement les gens payent plus cher, mais doivent payer aussi en temps pour aller négocier. Le conflit est aussi une forme pour accéder aux services. Ensuite, il y a une multiplication, me semble-t-il, de conflits qui sont liés à des usages du sol dans un contexte où la planification urbaine est peut-être moins rigide, et en tout cas moins rigide que la façon dont nous avons tendance à penser en France, c'est-à-dire le fait que un lotissement, par exemple, est à vocation simplement résidentielle. Même un lotissement formel, donc il y a une plus grande proximité de certains types d'usages, en particulier même dans ces lotissements consolidés dont je parlais tout à l'heure. Et ici, vous avez à la périphérie de Mexico des gens qui protestent contre des caseras illégales, c'est-à-dire des gens qui vendent du gaz avec des problèmes de risque, c'est-à-dire des gens qui stockent du gaz, des bonbonnes de gaz qui ensuite sont vendues. Qui n'ont pas d'autorisation, qui peuvent entraîner des nuisances ou des explosions, etc. Donc la question de la proximité de l'usage du sol est aussi potentiellement conflictuelle, peut-être plus dans le contexte latino-américain que ce qu'on appelle en France, enfin que les mêmes situations en France, y compris dans des lotissements ou dans des situations de classe moyenne ou de secteurs plus consolidés. Ici, vous avez à Mexico, dans le quartier de Coyoacán, des gens qui bloquent une avenue pour s'opposer. Alors, pour s'opposer à quoi ? À la mise en place d'un changement de la règle urbaine, genre d'avant de taille ici, mais qui autorise la création et la densification dans ce qui avait été un lotissement ensuite consolidé de petits immeubles. Donc là, les gens protestent contre la spéculation sur le sol, d'une certaine façon, ou la nouvelle règle urbaine qui permettrait la densification, alors même que les politiques urbaines de la ville de Mexico valorisent la densification comme étant un élément positif pour l'aménagement de la ville. Donc des gens qui habitent, qui ne sont pas des gens qui ont forcément beaucoup de ressources, même si le quartier est plutôt un quartier de classe moyenne aisée quand même, qui protestent contre les normes. Donc la question des conflits d'usage du sol et des mobilisations pour contrôler les dynamiques urbaines, dans un contexte où il peut y avoir une plus grande fluidité des dynamiques urbaines, c'est-à-dire des nouveaux types d'activités qui arrivent dans des contextes résidentiels, c'est un élément important aussi de type de conflit. Donc pour reprendre ce que je disais sur les spécificités latino-américaines, donc d'abord logement, introduction et services, tentative de contrôler les dynamiques urbaines, il y a aussi toute une série de conflits pour le contrôle de l'espace public, en particulier sur la question de les usages commerciaux de l'espace public. Nous sommes habitués à vivre à Tours, par exemple, dans un contexte dans lequel nous ne sommes pas choqués que la municipalité décide de privatiser massivement l'espace public en attribuant des terrasses. Nous gommerons cette date de l'enregistrement. Mais en même temps, il y a ce processus qui existe fortement d'ailleurs aujourd'hui à Mexico, qui est particulièrement conflictuel lorsqu'on attribue des terrasses en dehors du centre commercial traditionnel, donc ça c'est un élément. Mais il y a aussi d'autres types de conflits encore plus présents, c'est l'accaparement, pourrait-on dire, ou en tout cas l'appropriation des espaces publics par différents types de commerces ambulants, qu'on a tendance à appeler les commerçants ambulants, mais qui plus souvent ne sont pas des commerces ambulants, qui en fait sont des bancs de marché à l'air libre et qui sont plutôt permanents, et dans lesquels donc il y a une lutte pour le contrôle de l'espace public, c'est-à-dire que des associations s'approprient l'espace public, négocient pour s'approprier l'espace public, et les voisins, les autres commerçants, etc., peuvent essayer de se mobiliser contre, éventuellement, ou les pouvoirs publics se mobilisent pour rendre impossible ce type d'activité. Donc il y a toute une multiplication de conflits pour l'espace public, et il y a un collègue qui s'appelait Emilio Duhau, je dis s'appelait parce qu'il est mort, malheureusement, mais qui avait écrit un livre sur Mexico, faisant une lecture et une typologie de l'ensemble de la ville de Mexico, à partir de cette question des conflits sur l'espace public, et en différenciant les types d'espaces sur cette, les types de quartiers, sur cette idée de conflictualité différentielle de l'espace public. Donc il y a de nombreux conflits sur la question de l'espace public, peut-être plus que dans les situations européennes. Alors, et ensuite, il y a aussi les conflits d'infrastructure, des conflits liés à la localisation des projets publics et privés, des choses plus classiques peut-être, que l'on connaît en France aussi, et puis en particulier des conflits qui sont particulièrement forts sur les usages de l'expropriation. L'expropriation est utilisée en Amérique latine comme elle est utilisée en France, c'est une façon de l'utiliser en Europe, c'est une façon de marquer la puissance publique. Sur un certain nombre de projets, il y a des gens qui sont expropriés. Au Mexique, mais aussi ailleurs en Amérique latine, c'est souvent plutôt les populations pauvres ou les quartiers informels qui sont expropriés. Au Mexique, ce sont souvent d'ailleurs des zones rurales. On reparlera de la réforme agraire mexicaine et du statut spécifique de la terre qu'elle implique dans une partie de la périphérie. Donc l'expropriation se fait d'abord sur ce type d'espace avant de se faire sur des espaces privés. Et l'expropriation est potentiellement aussi conflictuelle pour différentes raisons. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec certains exemples. Il y a aussi la question fortement la question des risques. À Mexico, donc, il y a eu des éléments forts sur le tremblement de terre, il y a eu des explosions industrielles, donc la question du risque peut se traduire par des conflits importants pour essayer de demander des indemnisations, de demander des changements de législation, mais rien de très différent, si ce n'est par la fréquence, avec ce qui s'est passé en France autour d'AZF, par exemple. L'explosion d'AZF en France. Alors, comment analyser les conflits dans les villes latino-américaines? Pour aller très vite, ce qui est intéressant aussi sur l'Amérique latine, donc c'est pas seulement parce qu'il y a des grandes villes, on ne peut pas, ici pouvoir requalifier l'Amérique latine, mais c'est aussi qu'il y a un ample secteur de chercheurs, de gens qui travaillent sur la ville, de gens mobilisés sur l'analyse de la ville, et donc il y a toute une tradition de l'idée de prendre en compte le conflit dans différents types de cadre problématique, c'est-à-dire que faire le conflit ou comment analyser le conflit ou comment le conflit. Alors, je passerai très vite, mais simplement pour dire que en Amérique latine, cette notion de mouvement social urbain est particulièrement forte, elle a été particulièrement forte et est toujours très présente. Vous savez que la notion de mouvement social urbain ou de nouveau mouvement social urbain est issu d'une sociologie marxiste d'origine plutôt française qui s'est diffusée très fortement en Amérique latine, l'idée étant de savoir si les situations de conflit peuvent être intégrées dans un cadre plus large qui est une des définitions du mouvement social. Il y en a plusieurs, plus ou moins marquées par le structuralo-marxisme ou par le poids d'Alain Touraine. Serait-il que l'idée de lier des situations de conflit à la notion de mouvement social, c'est de considérer que les conflits ne sont pas simplement des oppositions localisées, mais qu'elles impliquent autre chose, et en particulier sur le changement social, soit dans une théorie de changement social classique de la lutte des classes, soit dans cette idée de nouveau mouvement social urbain qui montrerait qu'il faut s'intéresser à ces nouveaux conflits qui impliqueraient une nouvelle forme de lutte urbaine, d'une certaine façon. Donc le mouvement social est important comme cadre, c'est important de le prendre en compte, mais il faut peut-être aussi faire attention à ce qui nous amène, c'est-à-dire l'idée de qualifier les conflits concrets par rapport à cette idée d'un mouvement qui existerait, qui le transcendrait, qui serait la lutte anticapitaliste, qui serait la lutte contre le néolibéralisme, et qui conduirait paradoxalement chez certains chercheurs, et qui conduit certains chercheurs en France comme en Amérique latine, et aujourd'hui c'est un cadre d'analyse qui est fortement revalorisé dans la géographie, en particulier par la grande vague de, pourrait-on dire, de Harvey Mania, directement du poids de David Harvey sur l'analyse urbaine, qui repart, enfin, qui, d'une certaine façon, recycle une partie de la théorie du mouvement social, mais qui peut avoir des effets de délégitimer certaines mobilisations en disant que ce ne sont pas des vrais mouvements sociaux, et de toujours essayer d'espérer un autre type d'homogénéité des luttes. Cette notion de mouvement social aussi, elle a mobilisé beaucoup de monde en Amérique latine, des militants dans les quartiers, des militants dans les universités, qui intégraient des luttes concrètes dans une vision du changement social, dans une vision de la politisation, de leur action politique, et qui trouvaient dans l'idée de mouvement social une justification à la fois à l'idée de se mobiliser et l'idée d'aider les luttes. Donc c'est quelque chose qui existe, qui fait agir des acteurs, qu'il est important à prendre en compte, mais qu'il ne faut peut-être pas réifier comme étant quelque chose qui permettrait de classer tous les conflits en termes de est-ce que ces conflits urbains attaquent le néolibéralisme ou pas. Il me semble qu'il faut d'abord voir comment fonctionne ce qui se passe concrètement et quels sont les effets des situations. Prendre donc, ce que je voudrais dire ici, c'est simplement prendre peut-être des distances avec des macro-théories comme celle du mouvement social ou avec des façons de préqualifier les conflits, que ce soit comme NIMBY, alors vous connaissez un acronyme qui est plutôt de langue anglaise, donc Not in my backyard, l'espagnol, en espagnol on dit no, enfin, not in my patio trasero, dans mon arrière-cour d'une certaine façon, no in my patio trasero, pas dans mon arrière-cour, qui considérait que les conflits à l'opposé du monde social seraient simplement d'un égoïsme résidentiel de populations de classe moyenne qui ne veut pas que des choses, des infrastructures de la ville affectent leur situation et qui conduisent aussi à délégitimer d'emblée certaines mobilisations. Sous prétexte que ce ne seraient pas les populations les plus pauvres ou que ces personnes se lutteraient simplement pour leur bien-être résidentiel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'égoïsme résidentiel dans les conflits, mais en même temps, il ne faut peut-être pas les qualifier. Dans le monde latino-américain, il y a ce modèle, il y a un autre modèle d'analyse très présent, porté en partie plutôt dans les situations rurales, mais présent aussi dans les situations d'urbanisation, d'extension de la ville, c'est l'idée du modèle de la communauté agressée, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui se mobiliseraient, des quartiers qui formeraient une communauté, ou des communautés périphériques, des villages, qui seraient agressés par quelque chose de l'extérieur et qui se mobiliseraient, et que l'intensité de la mobilisation dirait des choses de l'intensité des relations sociales au sein de la communauté. C'est quelque chose qui peut exister effectivement comme modèle, mais qui est souvent réifié, et lorsqu'on travaille concrètement sur les conflits, on s'aperçoit que souvent ce quartier qu'il faut défendre, peut-être qu'il ne préexistait pas vraiment comme étant une sorte de communauté qui intégrait toutes les populations avant le conflit. Même chose pour la communauté dite indigène ou la communauté paysanne, ou le village paysan, donc on préjuge de l'extérieur, une sorte d'unité qui se présente comme telle dans un conflit lorsqu'il résiste effectivement à quelque chose, mais qui ne préexiste pas forcément. Hein, les anthropologues ou les collègues géographes qui ont travaillé finement sur cette situation montrent que le conflit fracture éventuellement la communauté. Il y a des gens qui ont des positions, opposées, qui sont peut-être inaudibles justement dans le cadre. Je passerai très vite sur la question d'autres éléments intéressants, mais on pourrait revenir dans le débat si vous voulez sur la question des relations entre conflit et participation. Puisqu'on parle de conflits, des gens qui se mobilisent, des gens qui mettent en place des stratégies d'opposition, qui bloquent des routes, qui souvent sont réprimés. Mais en même temps, il y a en Amérique latine, comme en France et en Europe, très vite des négociations où le fait que ces mêmes personnes, ces mêmes groupes en conflit essayent d'utiliser tous les espaces ouverts dans le cadre des nouvelles politiques urbaines, patrimoniales, environnementales, qui sont plus ou moins participatifs, pour s'exprimer, pour exprimer leur opposition. Et donc, il y a un lien entre conflit et participation, et on peut réfléchir sur la question des spécificités latino-américaines, lorsqu'on sait que, ça a été déjà présenté ici, je crois, dans notre cadre, qu'une partie des modèles dans le domaine de la participation, en particulier des budgets participatifs, sont issus d'expériences latino-américaines. Comment analyser cette spécificité conflit-participation en Amérique latine en général ou dans les situations concrètes, ça pourrait être un autre élément important. Alors, il y a aussi aujourd'hui des thématiques nouvelles, mais qui sont très vivantes dans l'analyse, enfin nouvelles, qui ne sont pas très nouvelles, mais qui sont très présentes aujourd'hui en Amérique latine, c'est la question du droit à la ville, en référence explicite à Henri de Lefebvre, mais aussi en référence au fait que, justement, une sorte de nouvelle analyse de la notion de mouvement social qui dirait que ce qui s'exprime dans le conflit, c'est pas simplement une demande de logement, pas simplement des demandes de services, mais une demande d'être considéré dans la ville, de pouvoir accéder à la ville et à un certain nombre de biens de la ville qui sont éventuellement des biens communs, ou comme dit un collègue brésilien, que ce qui s'exprimerait dans le cas des conflits, c'est une citoyenneté active, c'est-à-dire une volonté d'être reconnu, d'être pris en compte dans le cadre de tout ça. Mais on pourra rediscuter de ces questions qui sont des grandes questions qui existent aussi en France et en particulier en Europe. Simplement pour faire la transition avec pour tenir dans les 5 minutes, pour faire la transition avec ce que va présenter Jade, pour parler plus spécifiquement de la situation mexicaine, une des questions sur lesquelles on avait discuté au moment de penser cette discussion aujourd'hui dans le café géographique, c'était de se centrer sur la question spécifique de l'environnement. Ensuite, on a élargi un peu plus la discussion, mais la question, c'est en quoi l'environnement ou le patrimoine, d'ailleurs, comme valeur présente dans la société ou comme cadre d'action pour les politiques publiques, est présent dans les situations de conflit. Alors certes, il y a des conflits qui sont strictement environnementaux, des conflits qui sont strictement sur des enjeux patrimoniaux, mais il y a aussi des conflits urbains qui ont des dimensions patrimoniales ou des dimensions environnementales. Quelle est la place de la question environnementale dans les conflits liés à l'eau, dont on parlera déjà tout à l'heure. Alors ce qu'il faut noter effectivement au Mexique, et Jade le redira aussi, c'est que dans le contexte mexicain, la terre paraît évidemment comme un premier patrimoine, avec cette référence toujours présente, implicite mais très vivant, enfin pas implicite, d'ailleurs tout explicite, à la révolution en marche. Vous savez qu'au Mexique, vous savez qu'il y a eu une révolution au Mexique, qui a eu ensuite été une des premières grandes révolutions, qui a mis en place une réforme agraire. Cette révolution s'est faite au nom de Tierra y Libertad, au nom de l'accès à la terre, en particulier avec la figure de Zapata. Et ensuite un régime qui a toujours revendiqué sa filiation révolutionnaire. Donc le fait de manifester, des paysans manifestant dans la rue, proclamant ou interpellant l'État, a un sens particulier au Mexique, et d'ailleurs, il était, c'est pas toujours le cas partout d'ailleurs, mais pendant un certain temps on pouvait dire ça, qu'il était plus facile de prendre la rue au Mexique qu'en France d'ailleurs, à un certain moment, ou d'accéder même aux places centrales pour des groupes qui se présentaient comme des paysans qui s'opposaient, ou des gens qui habitaient dans la sur cette idée de la révolution, de la demande de terre, etc. Donc là, c'est sans Atenco, je ne parlerai pas de ce conflit, mais Atenco, c'est une communauté à côté de la ville de continuité de la ville de Mexico, très intégrée déjà dans l'ère métropolitaine, d'une certaine façon, mais qui a été expropriée lorsque on a voulu faire le nouvel aéroport de la ville de Mexico. Et donc, les groupes de paysans qui n'étaient en grande partie plus des paysans, mais qui continuaient à être des ejidatarios, c'est-à-dire des personnes qui avaient reçu de la terre dans le cadre de la réforme agraire, une terre qui est une terre en possession collective, même si elle est souvent cultivée individuellement. Donc il existe une entité collective qu'on appelle l'ejido, donc la communauté agraire, qui structure fortement les campagnes mexicaines, mais aussi les périphéries, puisqu'en fait ces ejidos ont été rattrapés par l'urbanisation. Et donc il y avait un ejido avec des personnes qui avaient pour beaucoup travaillé, pour beaucoup avaient aussi d'autres des emplois assez pour certains urbains, mais qui continuent à avoir des terres, d'autres à les louer. Et lorsqu'on les exproprie, lorsqu'ils se lèvent en armes, ils utilisent très fortement le symbole du machete, qui n'est pas simplement un symbole de révolution, mais c'est aussi un outil quotidien pour les paysans, avec cette idée que ce qui se joue là, c'est simplement la poursuite de la lutte pour la terre. L'État nous a donné la terre, aujourd'hui il faut se mobiliser pour conserver cette terre contre l'expropriation, et la terre est le premier patrimoine. Ensuite, le patrimoine et l'environnement comme valeur, moi j'aime bien utiliser cette photo qui a été peinte par des opposants à une mine qui s'implantait en périphérie, enfin qui s'implantait dans un bourg historique à proximité de la ville de Saint-Louis Potosi, mais ce bourg historique avait été le lieu de la première fondation de la ville. Donc un projet de mine, de nouvelle mine s'est ouvert à proximité de la ville, et une mobilisation des ejidatarios avec une histoire compliquée sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir ici, mais donc des opposants qui, à l'entrée de ce bourg historique, réalisent ce mur peint en présentant donc Viva Cerro San Pedro, c'est-à-dire le bourg qui s'appelle le Cerro San Pedro, la façon de garder ces collines qui allaient être affectées par l'exploitation minière, et qui utilise donc pour marquer un certain nombre de valeurs donc cet arc-en-ciel, et cet arc-en-ciel donc me semble intéressant parce que il note les grandeurs d'une certaine façon et les valeurs de la mobilisation. Donc d'abord il y a conscience, c'est-à-dire la conscience quasiment politique de ce qui se passe, trabajo digno, c'est-à-dire le travail digne pour les personnes, mais tout de suite ensuite après il y a agua y vida para todos, donc l'eau, l'accès à l'eau dans une zone assez l'accès à l'eau constitue un problème. Respecto al medio ambiente, donc respect de l'environnement. Respecto al patrimonio histórico y cultural, c'est-à-dire le respect du patrimoine historique et culturel, puisqu'en fait une partie de ce bourg était protégée, il y a tout un jeu, mais je n'ai pas le temps de raconter cette histoire ici. Et puis, à la fin, c'est respecto al ejido, c'est-à-dire au droit collectif sur la terre, puisque l'ejido était aussi affecté. Donc là, vous avez bien une expression en quelque sorte par les opposants de ces différentes valeurs, et le fait que donc le patrimoine et l'environnement sont des valeurs. Le patrimoine et l'environnement ne sont pas simplement des valeurs, sont aussi des objectifs de politique publique, avec des politiques publiques, avec des responsables de politique publique qui mettent en œuvre des actions certes incomplètes, mais qui peuvent à un certain moment être très dures, puisqu'en fait, à la fois dans le secteur, ici vous avez l'INA, donc l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire, qui représente en gros l'ABF en France, et qui a une capacité plus forte d'action que l'ABF, ce serait un ABF qui aurait la capacité de faire un acte administratif de fermer les travaux directement, ce que ne peut pas faire l'ABF en France, il faut qu'il passe par un juge. Donc l'INA peut suspendre les travaux, mais les autorités environnementales peuvent fermer aussi des chantiers qui impliquaient ici une déforestation et ou même faire intervenir les militaires pour arrêter des gens qui exploitaient bois dans une partie périurbaine. Donc le patrimoine et l'environnement, ce ne sont pas simplement des valeurs, ce sont aussi des politiques publiques avec des plans, là j'ai pas le temps de détailler ici, mais aussi des choses qui peuvent arriver à des situations conflictuelles avec d'autres personnes. Objectif politique publique, je ne développerai pas le fait que dans les conflits, un des éléments intéressants, c'est de voir comment il existe aussi une territorialisation de ces valeurs patrimoniales environnementales dans le cadre de différentes formes d'espaces protégés. qui peuvent constituer les ressources, comme les politiques de l'environnement peuvent constituer les ressources. Dans le cas du Cerro de San Pedro, dont je parlais tout à l'heure, ce qu'avaient essayé de faire les opposants, c'était de faire déclarer une sorte de secteur sauvegardé sur le centre historique de cet endroit pour protéger pas simplement les monuments, mais pour protéger un espace plus ample. Et donc, on peut, par les conflits, observer la mise en débat dans la société du patrimoine et de l'environnement. Et j'arrêterai là, par un tout petit peu de publicité, si ça vous intéresse. Il y a donc des textes en ligne que vous trouvez sur HALSHS, donc, qui est une plateforme de textes en ligne gratuite et ouverte, puisque la recherche publique, financée avec argent public, à mon sens, doit pouvoir être accessible. Et puis, des ouvrages, donc cet ouvrage qui reprend d'ailleurs l'analyse des situations mexicaines. Et puis, en ligne aussi, un numéro spécial de la revue GeoCarrefour, dans lequel il y a une introduction sur les spécificités des conflits en Amérique latine. J'ai quelques exemplaires de ce texte qui est aussi accessible en ligne. Ça, c'était pour la partie publicitaire. Et maintenant, je laisse la place à Jeanne et vous allez. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on aura le temps d'intervenir, de commenter, de poser des questions après la présentation de Jeanne. Donc Jeanne Latargère, qui est doctorante en géographie à l'UMR Citerre et à l'Université de Tours. Ses recherches portent sur les conflits liés à la distribution de l'accès à l'eau au Mexique. Et le titre de son intervention, Conflit, eau et urbanisation au Mexique, l'intégration partielle de la question de l'eau dans les processus formels d'urbanisation. Donc je vais vous parler plus spécifiquement, je vais vous offrir quelques réflexions théoriques qui partent un petit peu de mes travaux de thèse. Donc une première réflexion. Voilà. Donc le premier constat, je pense que quand on parle du Mexique, tout le monde sait, tout le monde pense en tout cas que c'est un pays où il y a de nombreux conflits sur l'eau. Donc il y en a quelques-uns qui arrivent à l'international, mais on sait, enfin quand on pense Mexique, on pense conflits, il y en a plusieurs. Donc une des luttes qui a été le plus diffusée, c'est peut-être la lutte des femmes des Mazahuas qui sont une tribu indienne à côté de Mexico et qui, dont les photos sont arrivées à peu près dans le monde entier. Donc ces femmes luttant en fait pour que l'eau en fait qui arrive à Mexico, justement elles vivaient en périphérie de la ville et elles étaient sans eau et argumentaient qu'en fait toute l'eau de leur région était amenée à cheminer jusqu'à Mexico et elles se retrouvaient à aller chercher de l'eau à plusieurs kilomètres de chez elles. Et un autre conflit qui a aussi eu beaucoup de résonance internationale, c'est celui du barrage de Zapotillo qui est actuellement encore en conflit. C'est un barrage que le gouvernement mexicain prétend construire dans l'état de Jalisco pour acheminer de l'eau jusqu'à un autre état qui s'appelle Guanajuato. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est un transfert d'eau d'une région à une autre. Et pareil, pour satisfaire en fait les nécessités croissantes des grandes villes mexicaines qui demandent à chaque fois plus d'eau. Donc il y a quand même cette problématique. On pense ville mexicaine, grande ville et besoin d'eau. Et donc, voilà. Donc par rapport à cette situation, il y a plusieurs idées fausses qui circulent. La première, c'est qu'en fait, toute cette multiplication des conflits liés à l'eau et à l'urbanisation au Mexique serait liée aux conditions naturelles de rareté de la ressource en eau au Mexique. Enfin, on pense Mexique, on pense désert, et en fait, donc, c'est une première idée fausse qu'il faut s'enlever un petit peu de la tête, puisqu'en fait, il y a des grandes disparités en fait, de ressources en eau d'une région à une autre. Il y a effectivement le nord notamment du Mexique possède peu de ressources en eau. Mais dans le sud, enfin la ville de Mexico en tout cas est construite sur un lac, donc en fait au départ il y a de l'eau. Après c'est une question de distribution de la population, de comment elle s'est répartie. Et donc on arrive à la seconde idée fausse par rapport, simpliste on va dire par rapport à cette situation, c'est qu'en fait les conflits c'est lié au fait que en fait l'urbanisation au Mexique s'est faite de façon tout à fait anarchique. Et par exemple à Mexico la ville a grandi. Il y avait de l'eau au départ, mais elle a grandi d'une façon tellement anarchique que finalement, il n'y a plus assez d'eau, il faut en amener quelque part d'autre. Donc, ces idées sont pas tout à fait fausses, mais c'est quand même très simple, c'est une révision très réductrice qu'il faut un peu complexifier. Donc, en fait, il y a plusieurs défauts théoriques de ces positions. C'est le problème, c'est qu'en fait, on naturalise les problèmes sur l'eau. Le fait qu'il y ait des conflits et des problèmes sur l'eau, mais si ce serait le fait de sa situation naturelle, donc pour la recherche, c'est pas terrible comme position. et le fait que, les conflits actuels, en fait, si on regarde bien en fait, les conflits actuels qui existent sur l'eau et qu'on s'intéresse vraiment aux micro-conflits qui existent sur le territoire mexicain, on se rend compte qu'ils ne mettent pas seulement en jeu les procédures informelles d'urbanisation, mais effectivement des procédures formelles d'urbanisation. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos de où je travaille. Donc c'est l'état de Morelos, l'état à une carte, mais donc c'est l'état de Emiliano Zapata. Et donc voilà, donc là nous avons, c'est des micro-conflits, mais c'est quand même des conflits liés à l'eau et à l'urbanisation. Donc là, en avant-cas, on voit bien le pont et on voit bien donc, un assèchement d'un ce qui était un canal d'irrigation assez important. Et cette situation n'est pas due à une croissance anarchique de maisons qui se seraient installées sur les bords du canal, mais plutôt à la perforation d'un puits qui a été autorisé par les autorités et qui a donné lieu à un assèchement. Donc il y a effectivement l'intervention d'acteurs publics. Donc en fait, bon, c'est pas qu'il n'y a pas de croissance irrégulière de la population, ni rien du tout, mais il n'y a pas que ça. Donc il faut. Voilà. Donc ça, c'est un autre type de conflit qu'on a. On voit bien donc, l'urbanisation formelle et donc un canal d'irrigation qui a été pareil, qui a été, disons, privatisé ou approprié, disons, par l'urbanisation formelle. Et donc voilà ce même type de grand lotissement avec un canal d'irrigation. On voit comment a été construit une espèce d'autre bras, disons, pour amener l'eau. Et donc pareil, par rapport à c'est de l'urbanisation formelle qui pose le conflit. Donc par rapport à cette situation, ce que je vous propose dans cette présentation, c'est de la présentation a deux objectifs. D'abord, en finir avec l'idée fausse selon laquelle les problèmes d'eau seraient uniquement le produit de l'urbanisation informelle au Mexique. Et deuxièmement, tenter d'expliquer pourquoi les procédures d'urbanisation formelle au Mexique ont été instaurées après les réformes de 92, loin de résoudre le problème d'eau au Mexique, en fait, les ont aggravées. Donc voilà, je vais diviser ma présentation en deux parties. D'abord, expliquer un peu quel était le problème que posait l'urbanisation informelle et quelles ont été les réformes qui ont été entreprises au Mexique pour tenter d'y mettre fin. Et la deuxième partie, voir exactement comment est considérée la question de l'eau et dans l'aménagement urbain formel pour tenter de comprendre pourquoi ces nouveaux lotissements qui ont été créés posent problème en matière d'eau. Est-ce que la question des énormités mexicaines continue à nuire le problème ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que cette situation? Donc voilà, donc l'urbanisation informelle au Mexique. Donc l'urbanisation informelle, en fait, a toujours été problématique d'un point de vue hydrique. Donc, brièvement, donc l'urbanisation informelle, pour ce que disait Patrice, pour rebondir un peu sur ce qu'il disait, c'est en fait le fait que des gens, à travers différents mécanismes, accèdent au sol, occupent des zones sans avoir soit la propriété de la terre ou sans respecter les normes urbaines qui existent sur cette terre. Donc en fait c'est les classes populaires dans toutes les villes d'Amérique latine, les classes populaires qui n'avaient pas accès au marché formel immobilier s'approprient la terre soit par des occupations soit par des achats-ventes illégales et voilà. Mais donc ce phénomène a plusieurs conséquences d'un point de vue hydrique. D'abord ces classes populaires occupent des zones inadéquates pour l'usage urbain. Donc généralement en fait les terres qui ont le moins la chance d'être désoccupées par l'État, ce sont les zones qui n'ont pas de valeur commerciale, donc c'est des zones forcément inondables, des zones qui sont situées à proximité des fleuves, des rivières, ou des zones qui sont assez loin de la ville et qui donc servent aussi à la recharge des nappes phréatiques. Donc effectivement, ça pose des problèmes. L'urbanisation informelle est également problématique, puisque en fait, pour ces populations qui accèdent à la terre par ce genre d'urbanisation, ils ont accès à des services d'eau et d'assainissement de seconde catégorie, puisqu'en fait, l'État a plusieurs raisons, dit vous occupez légalement la terre, je n'ai aucune raison de vous donner des services, donc c'est des raisons légales, je ne vais pas vous donner le service d'eau, débrouillez-vous. Donc en fait, ils ont accès à l'eau à travers des canaux citernes, ils rejettent les eaux usées sans traitement où ils peuvent, donc dans des canaux d'irrigation, dans ce qu'il y a à côté, et... L'État peut aussi refuser en disant vous avez occupé des zones où pour moi c'est très compliqué de vous donner le service d'eau parce que ça coûte très cher, en fait vous êtes en haut d'une montagne et c'est impossible techniquement. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'État peut refuser en fait de donner le service d'eau, mais le constat c'est qu'en fait ces populations doivent satisfaire le besoin de service par eux-mêmes et que donc ils ont accès à des services de deuxième catégorie. Et en plus, cette situation a un impact important sur l'environnement et sanitaire, puisque en fait, du fait, les eaux usées sont rejetées un peu n'importe comment, ça entraîne il y a beaucoup d'études sur ces questions-là, ça entraîne des problèmes de multiplication de maladies liées à l'eau, également de pollution de cours d'eau et tout ça. Donc en fait, bon, l'urbanisation informelle est très problématique. Donc voilà, donc là c'est un exemple d'urbanisation informelle. Je voulais mettre une photo qui n'était pas non plus pour sortir aussi un peu des clichés sur l'urbanisation informelle. Ça veut pas, on imagine peut-être une maison de pauvre, mais c'est pas forcément. Donc là on voit bien l'urbanisation informelle puisqu'on est en autoconstruction, donc plusieurs phases, il y a encore les bâtons pour permettre de grandir. Il y a aussi des choses pour des. Comment on dit ça? Ce qu'on met sur le toit pour garder l'eau. Des réservoirs, voilà, merci. Et du coup, en fait, on voit qu'en fait, c'est une urbanisation informelle, puisque c'est un canal d'irrigation. Et la maison, normalement, selon la loi mexicaine, devrait être située à au moins 5 mètres de la berge pour pouvoir laisser l'espace. Et donc, en fait, donc le plus probable, c'est que l'eau, effectivement, pour ce canal, il est tout pollué. Donc, il y a le rejet des eaux usées dans le canal d'irrigation. Et il est mal situé, ça ne devrait pas être. Donc à partir de là, donc dans les années 70, l'urbanisation informelle, il y en a eu énormément au Mexique, comme dans tous les pays d'Amérique latine. Et donc en fait au Mexique, la particularité par rapport à d'autres villes comme le Pérou, enfin d'autres pays comme le Pérou, c'est qu'en fait c'est la figure de l'érido sur laquelle a parlé brièvement Patrice. Donc l'érido, c'est une figure qui a été créée après la révolution mexicaine, donc en 1917. Et c'était pour redistribuer c'est des terres en fait qui ont été collectives, qui ont été redistribuées aux paysans de façon collective, et qui en fait étaient déclarées inaliénables, et que donc les paysans ne pouvaient pas vendre, qui s'héritaient de père en fils. Et donc en fait cette situation en fait a fait qu'en fait en périphérie des villes, les gens pouvaient comme ces terres ne pouvaient pas se vendre, ils avaient une très faible valeur commerciale. Et les gens commençaient à les acheter de façon illégale pour pouvoir s'installer en périphérie des villes. Donc c'est vraiment une caractéristique, disons, une figure qui a marqué, disons, la façon d'urbaniser le Mexique. En 1992, il y a eu des réformes importantes qui ont été faites à l'Érido. Le président qui était à l'époque, qui s'appelait Salinas de Gortari, a décrété que l'Érido maintenant pouvait être vendu, les terres éridales, au terme d'un processus dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais maintenant, les paysans peuvent vendre ces terres. Cette réforme n'a pas été directement pour le secteur urbain. C'était plutôt l'idée de moderniser l'agriculture mexicaine en perspective de la signature de l'accord de libre-échange nord-américain. Mais a eu des conséquences importantes dans le secteur urbain. Donc l'idée, c'était que aussi, enfin, disons que les autorités qui ont promu cette réforme pensaient aussi que ça pourrait permettre de réguler toute une partie de l'urbanisation en périphérie des villes. Alors effectivement, il y a aussi beaucoup de travaux sur cette question. On a montré qu'en fait, ça n'a pas permis de mettre complètement fin à l'urbanisation informelle, mais par contre, ça a quand même permis le développement d'une politique publique de logement social, donc effectivement combinée avec des réformes dans le secteur dans la politique de logement social. En fait, la massification des crédits aux travailleurs et tout ça, ça a permis le développement de toute une politique massive de logement social. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas marginal et qui. Voilà, je vais vous montrer quelques photos. Ce qu'on appelle logement social ici, c'est du logement en accession à la propriété construit par les privés. Juste pour des comprendre. Ce n'est pas du tout des logements en location type HLM. Non, c'est juste pour. Oui, donc c'est le bon terme, c'est ça? Oui, c'est le bon terme, c'est juste les expliquer. Donc des privés vont construire des grands. Ben, tu voilà, vois, donc des privés vont construire des choses qui vont vendre à des gens qui ont reçu un crédit dans le cadre de la politique de l'aide au logement. Donc c'est une solvabilisation de la demande, mais qui se fait au service des grands groupes de construction. En fait. On va voir ici, c'est ici, c'est lui qui marche. Il faut le diriger vers. Meubler en fait. Il faut juste meubler en fait, sur la politique de logement social, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, les photos des logements sociaux. Donc c'est des grands ensembles voit 6000, donc maisons stéréotypées qui généralement font 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, donc tous identiques, produits en série. Donc effectivement, l'État accorde des crédits aux travailleurs mexicains qui travaillent dans le secteur formel, évidemment. Et en fait, c'est des entreprises privées qui construisent ces logements, mais avec la certitude en fait que les travailleurs vont accéder au crédit et vont pouvoir acheter ces logements. Donc, logements stéréotypés, construits en périphérie des villes, évidemment, puisque pour avoir des bénéfices, ces entreprises doivent accéder à une terre pas chère. Et d'où le lien avec la réforme des terres héritables, puisque c'est construit sur des anciennes terres héritables, mais de façon légale, qui sont achetées par ces entreprises pour développer ce genre de logement. Voilà, donc là, une vue d'en haut. Donc là, c'est en plus, ils les construisent tous à côté. Donc là, en fait, en 6-7 ans, ils en ont construit, on va dire, 12 000 maisons. Là, on voit 12 000 maisons construites les unes à côté des autres. Donc on n'est pas dans un phénomène marginal. Hein. C'est quand même une politique de l'État mexicain. Voilà, donc l'État du Morelos, la situation, je vous le mets maintenant. En fait, donc on voit ce petit État rouge, et juste au-dessus, le tout petit État, c'est Mexico. Donc en fait, c'est un État tout près. Il est limitrophe de la capitale. Et en fait, donc c'est là où je fais la thèse. Et donc les photos venaient d'ici. Donc cette politique de logement a été particulièrement forte dans cet État. À partir de 2006, ça a été promu comme une politique publique au niveau de l'État, supposément pour permettre aux travailleurs les plus pauvres de l'État d'accéder à un logement digne de ce nom. Et aussi pour développer supposément l'économie de l'État. Enfin, la construction comme politique économique permettant de développer l'État. Et mais en fait, bon, alors là, juste deux mots. En fait, comme c'est des maisons, comme on est très proche de Mexico, l'idée c'était aussi de permettre, en fait, pour que la classe moyenne mexicaine de Mexico puisse acquérir ces maisons comme des maisons des résidences secondaires pour venir passer le week-end. Donc en fait, c'était aussi il y a des arrière-pensées derrière cette politique. Donc voilà, je voudrais juste pour donner un peu l'idée de l'ampleur du phénomène. On voit que dans le municipe d'Emiliano Zapata, il y a eu un taux de croissance de logements de 235% entre 2000 et 2010. Donc il y avait 13 592 logements en 2000, on est passé à 45 634 logements en 2010. Donc évidemment, dans ce nombre, il y a des logements qui ont été construits par des gens, mais en fait, on voit bien l'ampleur de la politique que ça a pris. Donc Emiliano Zapata et Xochitepec, je pense que c'est les deux municipes qui ont la plus grande croissance de logements, donc 179%. On n'est évidemment pas dans une croissance, normale, on est vraiment dans une croissance promue comme politique publique. Donc, cette politique de construction de logements sociaux a été présentée un peu comme un modèle d'un point de vue hybride. Par rapport à l'urbanisation informelle, on se dit bah, l'État vend ses maisons comme la solution à tous les problèmes hydriques. Parce que d'un côté, les entreprises immobilières sont obligées d'un côté de traiter les eaux usées, donc ils installent les usines de traitement des eaux usées. Par ailleurs, ils sont obligés de s'occuper de perforer un puits un puits de captage pour fournir de l'eau aux gens qui viennent habiter. Et le coût d'installation des entreprises est pris en charge par les compagnies immobilières. Donc on est vraiment dans une politique de logement qui, par rapport à ce qui se passait avec l'urbanisation informelle, pourrait sembler une panacée, on va dire, puisque ben là, on est sûr qu'on a enfin des gens qui ont accès à des services urbains de qualité. Et en tout cas, et en plus, on respecte l'installation de ces logements se fait en respectant le zonage établi par les municipalités. Donc on a en plus un contrôle sur l'installation pour pas soit vraiment dans des zones trop dangereuses ou voilà. Donc, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, je vous ai montré quelques photos pour dire qu'il y avait quand même déjà des conflits sur cette situation. Donc en fait, j'ai pas le temps de tout détailler, mais donc l'idée c'était de vous montrer qu'il y avait quand même des conflits qui étaient liés à ce genre d'installation. On peut se demander pourquoi, si normalement ça devrait être vraiment la solution. Au-delà du débat sur le fait que des maisons de 40 mètres carrés, c'est peut-être pas terrible pour y habiter, mais en tout cas, en matière d'eau, ça devrait être une solution pour les classes populaires. Et en fait, quand on travaille dans le Morelos, on se rend compte qu'il y a énormément de conflits qui sont liés à ce genre de logement. Il y a aussi très peu d'études au Mexique qui ont été faites sur ces questions. Alors, bon, y a les études qui ont été faites se contentent d'analyser le cadre législatif en disant est-ce qu'il y a une intégration entre eau et aménagement du territoire à un niveau réglementaire. Mais en fait, cette approche n'est pas très, très satisfaisante parce que déjà au Mexique, bah, il n'y a pas forcément le respect des lois. Et voilà, donc l'idée, en fait, c'était d'analyser les procédures de... Ce que j'ai fait, c'est analyser les procédures d'autorisation de ces grands logements pour voir comment était considérée la question de l'eau. Parce que la première hypothèse était de se dire, bah, peut-être qu'en fait, finalement, il y a beaucoup de problèmes parce qu'en fait, ils ne considèrent pas la question de l'eau, ni le volume, ni combien d'eau on va donner à ces populations. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, si l'eau était prise en compte à travers deux procédures, donc la fertilidad de agua et le visto bueno, mais qu'en fait, déjà, d'une part, c'était, donc les autorités disaient oui, je considère que c'est faisable de construire un logement sur cet endroit puisqu'il y a de l'eau, mais qu'en fait ils le faisaient sans vraiment que ce soit que cette opinion soit fondée sur une expertise technique ou scientifique réelle, non ? Et que par exemple la CONAGUA, qui est l'institution gouvernementale qui se charge de la question de l'eau au Mexique, en fait, se base exclusivement pour donner son avis sur les rapports de disponibilité des nappes phréatiques. Donc voilà, c'est ça. Donc ils divisent l'état du Morelos en quatre bassins. Donc en fait, tous les bassins, il y a de l'eau dans tous les bassins, sauf dans celui qui est en rouge, qui est le Alpujarra Palcingo, à Xochiapan. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de choses qu'ils ne considèrent pas. Ils ne considèrent pas s'il y avait des sources à proximité. Donc l'unique critère qui pèse, en fait, et pour faire ces rapports, il calcule, c'est un rapport hydrologique en fait, il calcule combien d'eau entre dans le bassin, combien d'eau est déjà distribuée, et à partir de là, il dit, bah oui, s'il y a de la disponibilité, et ben je vous donne le permis pour construire un puits pour donner de l'eau à ces nouveaux logements. À partir de là, toute une série de questions n'étaient pas prises en compte, par exemple l'existence de sources, des canaux d'irrigation qui traversaient par exemple sur ces grands lotissements. Donc ils te faisaient les plans des grands lotissements, ils ne te dessinaient jamais les canaux d'irrigation, alors que normalement dans la loi mexicaine c'est illégal, il faudrait laisser un espace pour être sûr que la maison soit à une certaine distance et laisser l'accès au canaux. Ils ne considéraient pas non plus le point de rejet des eaux usées, puisque donc ils construisent les canalisations à l'intérieur du lotissement, et en fait comme ils considèrent que l'eau va être traitée, et ben ils peuvent la rejeter n'importe où après. Donc ça voulait dire que en dehors, à 100 mètres du lotissement, en fait, les eaux usées, elles arrivent. Donc, elles sont tout le temps en temps traitées, mais pas tout le temps. Et donc, ce qu'a révélé l'analyse, c'est qu'il y avait quelques fonctionnaires techniques et environnementaux qui tentaient d'aller plus loin et d'être plus vigilants en matière d'eau pour éviter justement ce genre de problème, pour éviter que la multiplication des problèmes liés à l'eau. Et qu'en fait, la recommandation n'était pas prise en compte. Donc, je vais juste citer deux exemples pour finir. Un des conflits très importants qu'il y a eu, c'était par rapport à un de ces lotissements, c'était que 13 villages qui se sont mobilisés pour éviter qu'un lotissement se construise à moins d'un kilomètre d'une source dont ils dépendaient pour leur approvisionnement en eau. Donc le fonctionnaire en charge de la CONAGUA à cette époque a dit « nous allons faire une expertise indépendante pour voir si effectivement ça pourrait affecter ou non le fait de construire si proche de la source ». L'expertise a révélé que oui, effectivement, ça pouvait affecter à un certain endroit. Et en fait, ce qu'expliquait le fonctionnaire, c'est que lui était d'accord et qu'on était prête à refuser en fait de donner de nouvelles autorisations pour la perforation du puits, mais que comme le cadre réglementaire mexicain disait que s'il y avait de la disponibilité dans le bassin, ils étaient obligés de donner le permis, que légalement, en fait, il pouvait affronter un procès, et donc en fait que son opinion en fait ne valait pas, que même si lui était d'accord que techniquement ça pouvait être dangereux, qu'en fait le cadre réglementaire permissif faisait que le puits allait être construit. Et un autre exemple assez intéressant, et qui a à voir là plus en rapport avec le pluralisme décisionnel de toutes les autorités qui interviennent dans ce genre de décision, c'est l'exemple de l'arsenic, en fait pareil, hein. Donc les autorités, en fait, les rapports de qualité de la source ont révélé qu'il y avait de l'arsenic dans un des puits. Et donc, en fait, les autorités ont dit, je ne vais pas autoriser. Enfin, la CONAGUA s'est rendu compte que c'était dangereux pour la population. Mais en fait, ceux qui sont en charge des normes sanitaires, c'est l'institution de la santé. En fait, lui voulait fermer le puits, mais en fait, le puits a été autorisé puisque ça ne dépendait pas de lui et que les autres autorités n'étaient pas d'accord. Donc voilà, donc en fait c'était pour illustrer pourquoi en fait donc les procédures d'urbanisation formelle au Mexique génèrent de cette façon un certain nombre de problèmes hydriques, à la fois pour les populations résidentes, parce que de temps en temps les pluies capitales n'ont pas le volume ou la qualité de n'ont pas le volume d'eau espéré, ni l'eau qu'on extrait respecte les normes de qualité, et à la fois pour les populations des territoires environnants qui doivent les utiliser et tout ça. Donc voilà. Donc juste pour conclure sur les apports de cette approche, d'abord montrer qu'à la fois les problèmes liés à l'eau au Mexique sont bien le produit de procédures d'urbanisation formelles et informelles. Cette approche permet aussi d'une part, bon j'ai pas pu tout détailler, mais montre qu'en fait les problèmes liés à l'eau sont bien le résultat d'un processus décisionnel, c'est-à-dire qu'on est justement dans ce que je disais par rapport au départ, on n'est pas dans une naturalisation des conflits sur l'eau, on voit bien que ce sont des chaînes de décision d'acteurs publics qui font que bah, y a vraiment des problèmes qui surgissent. Alors ça peut être la non-action de l'agir, mais dans tous les cas, on responsabilise. C'est-à-dire que si le fait qu'un lotissement manque d'eau, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est parce que les autorités ont finalement autorisé ce lotissement à cet endroit-là. Et ça, c'est très important de resituer la chaîne de décision qui est à l'origine du problème et du conflit. Et voilà, et donc cette approche théorique qui peut sembler un petit peu éloignée peut-être d'ici, de tout, en tout cas est nécessaire pour l'analyse et la compréhension des problèmes et des conflits sur l'eau qui existent actuellement dans le Moreno Sonora. Voilà. Merci. Merci à Jade Lantargère et merci aussi à Patrice Mélier d'être intervenu. Et merci pour leur présentation que j'ai personnellement trouvé très très riche, très intéressante et qui peuvent être recoupées avec beaucoup de cas, je pense, en Amérique latine, notamment avec le Pérou. J'ai retrouvé notamment j'ai pris énormément de notes, hein, je vais essayer de me retrouver. De l'informalité, une espèce d'informalité sociétale, de l'informalité qui vient de la société, des besoins d'eau, des besoins de territoire, que ce soit en zone rurale et en zone urbaine, comme vous en avez parlé. Mais il y a aussi une informalité, j'ai l'impression, de la part des autorités publiques qui essayent justement d'arranger les choses parce que peut-être que les transformations sociales sont trop rapides. Donc elles essayent de s'arranger, disons, pour regrouper des milliers de personnes dans un lotissement, comme dans le cadre dont a parlé Jade. Donc voilà, une informalité de la part de la société, mais aussi des autorités publiques, qui essayent d'arranger, de regrouper des personnes dans un lotissement plus ou moins durable, et du coup qui crée un conflit. Je ne sais pas si des gens veulent intervenir, commenter, si vous avez des questions précises. Moi, je disais ça en tant que commentaire, j'ai énormément de commentaires et de questions. Donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez les constructions qui sont faites par les gens ? Vous pensez que ça va être combien de temps ? Enfin, la durabilité de ces constructions, c'est quoi ? La construction construite ou la politique ? Non, le bâtiment. Le bâtiment. Les ensembles de bâtiments, Déjà, en fait, bon, alors, je vais pas détailler, il y en a déjà beaucoup qui sont inhabités, en fait, parce que c'est pas très fonctionnel dans une région où il fait 40 degrés, enfin 40, 36, on va dire. Du coup, à des espaces de 40 mètres carrés, en fait, c'est pas du tout fonctionnel, éloigné de tout, sans école. Donc, il y a déjà un peu des bâtiments qui tombent en ruine, mais on va dire que l'essor de la politique, ça a été 2000-2010, et vous leur donnez peut-être 20 ans, mais s'il n'y a personne qui habite, ça va vite. Ça dépend si c'est habité ou pas. Mais en majorité, c'est habité ou pas ? Comment ? C'est habité ou pas ? Là, il y a les chiffres, je ne me rappelle plus bien les statistiques, ça dépend des municipes, mais en tout cas, dans l'état du Morello, il y a certains chiffres qui indiquent que 50% de ces maisons sont inhabitées ou utilisées comme résidence de week-end, de secondaire. Et donc, du coup, dans ces logements sociaux, ils n'ont pas eu l'idée de mettre, je sais pas, des commerces ou écoles avec, non, c'est complètement que résidentiel. C'est résidentiel, oui, oui. Non, ça s'avait très mal conçu, mais donc l'idée c'était, bon, après il y a eu beaucoup d'études sur ces questions justement pour montrer que cette politique a été mal conçue, enfin ces logements. Donc il y a des livres qui font l'apologie de ce genre, parce qu'en fait le gouvernement tout dit, bah on a quand même, on est écologique puisqu'on est allié. Il y en a quelques-uns qui sont équipés d'énergie solaire pour chauffer l'eau. Et donc par exemple les installations sanitaires ont supposément des choses pour limiter la consommation d'eau et tout, donc en fait il y a le côté, donc c'est positif, ça ce serait le positif. Ils mettent supposément du ciment aussi sur les routes qui permettent le passage de l'eau de pluie, la filtration dans les nappes phréatiques, donc ils vont te dire. Et donc après il y a beaucoup de chercheurs qui ont montré d'un point de vue architectural quel était le problème, les dimensions. Par exemple, quelque chose qui est très drôle, c'est que en fait quand ils te font la publicité pour que tu achètes la maison, ils te la mettent toute meublée, mais qu'en fait quand tu veux arriver avec des vrais meubles, elle est tellement petite que les vrais meubles ne rentrent pas dans la maison. Donc il faut racheter tout pour des classes qui n'ont pas forcément l'argent pour acheter, il faut racheter tous des meubles adéquats pour rentrer. Mais bon, là, je voulais juste souligner la question vraiment hydrique qui était associée à ce genre de logement, mais c'est vrai que sur tout le côté constructif, il y a beaucoup de... Bah, si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur... Parce qu'en plus, les murs sont tout fins, donc on entend les voisins, donc pour l'intimité, après, il y a beaucoup de choses de psychologues, d'anthropologie... Je vous pose une question pour bien comprendre la problématique. Vous avez tous les deux évoqué la question vraiment de la ressource en elle-même, de la rareté de la ressource. Il y a un sujet que vous n'avez pas vraiment évoqué, c'est celle de la dynamique démographique. Parce que finalement, que l'habitat il se fasse de manière formelle ou informelle, la population elle est là, il faut bien la loger, elle est mise. Après, il y a des questions de qualité, mais sur la ressource en elle-même, c'est évidemment directement lié à la population dont il faut s'occuper. Vous ne l'avez pas forcément évoqué, c'est des secteurs que je ne connais pas du tout. J'imagine qu'il y a une forte mobilité, j'imagine aussi qu'il y a encore beaucoup d'exode rural qui vient enrichir pour la population au moins les villes et les métropoles. La question elle est bien aussi là. Est-ce qu'on peut toujours avoir cette dynamique de démographie alors même que la ressource est manque? Ou alors est-ce que le problème n'est pas question de rareté de la ressource, mais simplement de moyens d'approvisionnement. Bah, c'était justement l'intérêt d'arriver à des niveaux micro d'analyse, justement, puisque quand on génère des analyses macro à niveau de ville, à niveau de la ville en tout cas, il est très difficile de... Bah, justement, l'idée c'est de dire, bah, arrête de croître, enfin la ville peut arrêter de croître, mais on a plus de ressources pour recevoir de la population. Et en fait, justement, tu te rends compte, donc d'où l'intérêt de travailler sur les procédures d'urbanisation formelle, c'est de montrer qu'en fait, s'il n'y a pas de ressources, il faudrait arrêter de croître, et donc il faudrait que les agents immobiliers prennent conscience, en tout cas la promotion immobilière formelle, prennent conscience de cette situation et arrêtent en fait de créer des logements qui en fait attirent la population, parce que ce n'est pas forcément la population qui... Enfin, il y a là, on est vraiment dans une politique de promotion pour que les gens viennent y habiter, en fait, quand même. Donc en fait, c'était de montrer que, en fait, ce problème de la ressource, je pense qu'en fait, il faut le garder comme un panorama, mais c'est pas un critère fondamental qui détermine justement la question du problème de l'eau. Tu peux pas dire, on n'a pas d'eau, donc on va arrêter de croître, en fait. Après, il y a toutes des politiques qui vont... Je sais pas si c'est une... Mais tu as parlé de zonage dans ta présentation, mais plus en termes de, j'ai eu l'impression de nuisance, etc. Je vais parler avec la française où le zonage il se fait simplement aussi en termes de droit à construire, de terrain urbanisable, qui doit aussi se faire, et qui se fait d'ailleurs par les municipalités en fonction justement, alors pas forcément en gestion d'aide par les questions d'approvisionnement, mais plutôt d'assainissement pour le coup, et de capacité des équipements publics de manière générale. En tout cas, c'est une grande problématique qui est prise en compte dans la planification urbaine. Parce que là, effectivement, il y a la promotion privée ou instituée, quelque part par l'État, mais il y a aussi tout simplement ce qu'on permet de construire. Alors là, je ne connais absolument rien de la planification, mais c'est beaucoup dans les pays du Sud, mais ce qu'on se donne comme moyen, finalement, les populations dans les secteurs où on n'est pas capable d'assurer le minimum de services. Bah, du coup, justement, une des questions, et c'est pour ça qu'on analyse l'urbanisation formelle, c'était de savoir si entre les agences de l'État et le et les entreprises immobilières, il y avait cette conscience environnementale et de la rareté de la ressource, qu'elle était prise en compte au départ. Et en fait, en tout cas dans l'état de Morelos, elle n'est pas du tout prise en compte. Et ils vont même te dire qu'en fait, il n'y a pas de rareté. Il n'y a pas de rareté de la ressource. Bon, alors effectivement, ce n'est pas forcément l'État qui est le moins doté en ressources en eau, mais ils vont t'expliquer qu'en fait, c'est un problème de distribution, qu'il n'y a pas de problème de... Ben, ils se basent toujours sur le schéma que vous présentez, là, les quatre bassins, en disant que ben, de ces trois côtés, il y a de la disponibilité, donc tant qu'il y en a, on n'est pas en zone rouge, donc il y a de la disponibilité, donc il n'y a pas une intégration du discours environnemental sur la... ou environnemental, en tout cas, sur la rareté de la ressource. Et en fait, c'était justement pour voir comment était prise en compte cette question de façon détaillée. Donc il y a effectivement une prise en compte de l'eau, mais pas vue comme quelque chose de rare ou de faut qu'on freine l'urbanisation, rien du tout. C'est justement comment prendre en compte la question de l'eau pour continuer à urbaniser pratiquement. Non, comment contourner cette rareté ou cette question particulière. Si je suis bien, est-ce que montre bien Jade, mais j'ai eu le temps de développer là. Ici, c'est que la question n'est pas tellement la source, en fait, c'est plutôt la destruction des usages de l'eau traditionnelle, en particulier de l'irrigation, qui est pas uniquement une compétition pour la ressource, mais aussi sur l'appropriation des formes, enfin, des formes, y compris physiques, des canaux, des puits, qui sont déstructurés par ces... ces grands lotissements qui se posent comme ça sur des espaces agricoles qui continuent à exister autour avec des communautés agricoles qui continuent à essayer de produire et justement avec des problèmes de passage de l'eau. Alors tu pourrais peut-être insister sur la question du conflit. Ce qu'on a vu très concrètement, c'est des conflits liés à l'écoulement même de l'eau. Par exemple, ce qu'on avait vu ensemble. Oui, parce qu'au départ, quand je suis arrivée au Mexique, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, l'idée c'était aussi de voir comment il y avait cette compétition, pourquoi l'urbanisation continuait alors qu'on disait qu'il n'y avait pas d'eau. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mal posé le problème. Puisqu'en fait, le problème de ces grands logements qui arrivent n'était pas, puisque du coup, ce que j'expliquais là, en fait, au moment de l'urbanisation, donc, la question de la rareté n'est pas intégrée. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait. Avant d'avoir ces grands logements, il y avait donc cet état de Emiliano Zapata, donc il y a eu la redistribution de la terre, et quand ils ont redistribué la terre, l'eau a aussi également été redistribuée aux paysans, à la fois pour l'usage agricole, donc c'est ce que je montrais les canaux d'irrigation, mais aussi pour des petits villages, pour satisfaire leurs besoins de ces petits villages qui existaient, donc qui préexistaient à ce type d'urbanisation. Donc dans cet état fonctionnait tout un système de réseau d'eau, en fait... assez développés, c'était généralement des réseaux d'eau gravitaire à la superficie de la terre. Pour les réseaux urbains enterrés, mais donc qui fonctionnaient de gravitaire sans besoin d'électricité ni rien, et qui étaient très bien constitués. Et qu'en fait, ce qui provoquait les conflits, c'était pas tant la compétition pour la ressource, mais le fait que que ces grands ensembles urbains, en fait, déstructuraient les réseaux qui existaient. Donc en fait, que la problématique que de dehors au Mexique on pose en termes de compétition d'usage ou en compétition, là, c'était pas tellement un problème de compétition, sinon de déstructuration qui arrivait. Et qu'en fait, ce qui posait problème dans cet état, en tout cas, c'est le fait que, en fait, tous ces réseaux d'eau, soit pour l'usage urbain, soit pour l'usage agricole, étaient déstructurés. Donc, plus de canaux d'irrigation, des canaux complètement pollués, des réseaux d'eau, enfin, des sources qui se sèchent et que du coup, les gens se retrouvent à dire, l'État qui dit, ne t'inquiète pas, je vais te faire un nouveau puits de captage, mais avec des paysans qui disent, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que les puits de captage, ça implique de l'électricité, ça implique de pomper l'eau à parfois 100-200 mètres, et donc c'est des factures d'électricité énormes, alors que l'eau de source qui coule de façon gravitaire, c'est pratiquement gratuit. Et qu'il y avait tout un mode d'organisation qui était de villages traditionnels autour de ces réseaux d'eau qui fonctionnaient et qu'en fait les conflits étaient en ces termes. Donc en fait, c'était l'idée de travailler sur ces questions-là et de montrer en fait un peu de sortir de toutes les idées reçues qu'on a sur la compétition de la ressource et qui sont pas que des idées reçues parce qu'il y a effectivement beaucoup de travaux sur ces questions, mais c'est complexifié, non ? Et que quand on le voit à niveau macro de toute la ville, en fait, on a l'impression que c'est une compétition de la ressource, mais qu'en fait, au niveau micro, c'est pas tellement comment, de cette façon, s'articuler les conflits. Et voilà. Ce qu'on appelle conflit, pour bien comprendre, c'est à la fois des micro-conflits, c'est à la fois des gens qui se mobilisent, tout ça, et puis des micro-conflits. Et lorsque Jeanne m'a amené sur son terrain, donc avec un commissaire Vidal, ce qui s'était passé là, c'était que les paysans avaient bloqué toutes les évacuations d'eau du lotissement, ce qui s'est traduit par une inondation du lotissement. Donc là, il y avait vraiment un conflit entre les deux groupes pour. Vous parlez des groupes de les habitants originels et du coup les nouveaux habitants qui sont plus ou moins là dans la nouvelle ville. Les écriatelles, oui, les écriatelles, c'est les nouveaux. Mais la lutte se fait plutôt en termes des habitants originels contre les autorités qui ont autorisé c'est pas vraiment une lutte qui s'articule entre nouveaux résidents. Et parce qu'en fait, les nouveaux résidents, donc c'est là ce que j'ai un petit peu montré, ils souffrent aussi de certains problèmes. Par exemple, le fait qu'ils ont des puits de captage avec de l'arsenic dedans qui est autorisé par les autorités, c'est pas non plus tellement mieux comme situation, on va dire. Ou des puits qui, en fait, donnent un volume complètement inférieur à ce qu'il devrait y avoir pour 6000 maisons, en fait, parce que ça implique quand même un certain volume d'eau. Des installations de traitement d'eau usée qui ne fonctionnent pas, donc avec des conséquences évidemment pour la population originelle, mais aussi pour les gens qui vivent dans ces lotissements, non, parce qu'ils ont quand même des inondations d'eau usée et tout ça, c'est jamais très agréable de vivre à côté d'une station d'épuration qui ne fonctionne pas. Donc en fait, les conflits, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas entre population résidente, enfin nouvelle population de ces lotissements et les populations originelles, mais plutôt. Ces populations originelles qui vont aller voir les gouvernements et les différentes organisations qui sont en charge de ces autorisations pour leur dire pourquoi vous avez autorisé, maintenant c'est votre problème, donnez-moi une solution à mon problème. Voilà. Qui me frappe dans la présentation que tu as faite, c'est qu'au bout de ton exposé, on ne sait plus trop bien ce qui est formel et informel, et finalement, quels sont les acteurs qui sont les acteurs formels et ceux qui sont informels. Et je me demande si finalement la question du conflit d'eau, ça remet pas, enfin, ça re-questionne pas un peu les catégories formelles et informelles. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'a montré Jeanne. Très bonne question, très bonne réponse. C'est que ce que montrait Jade, effectivement, c'est qu'au départ, c'est de remettre en cause cette position formelle et informelle dans l'explication du problème de l'urbanisation. Oui, ben, c'est un peu l'idée. En fait, de toute façon, c'était. Parce que ce chapitre, c'est. Non, mais vous avez raison, mais en fait, l'idée, c'est que justement de montrer que, après de pouvoir. L'idée de toute cette. Un peu cadre théorique que j'ai présenté, c'est de pouvoir montrer, travailler sur des conflits ou des phénomènes, des problèmes urbains, sans avoir expliqué si l'origine est une relation formelle ou informelle, mais on est quand même obligé de susciter ce débat, parce qu'il y a quand même une. Enfin, l'idée c'était de. Et c'est pour ça que, bon, là c'est un petit peu théorique, mais l'idée c'est d'essayer d'expliquer pourquoi, en fait, il n'y a plus cette distinction urbaine. Il faut quand même l'expliquer, parce que quand on présente les choses instinctivement, on peut se dire que l'urbanisation, c'est ce qui a été écrit, hein, l'urbanisation informelle est problématique en matière hybride, et l'urbanisation de formelle devrait être une solution en soi, en tout cas mieux que le pourquoi c'est pas ce qui se présente. Donc il faut quand même essayer de générer des pistes de réflexion pour expliquer pourquoi ça ne donne pas. En fait, je me rendais compte pourquoi je posais cette question-là, c'est parce que, on parlait de spécificité américaine. Américaine, si on re-questionne la question du formel, enfin la définition formelle et informelle, à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si effectivement c'est vraiment une spécificité latino-américaine ou si les phénomènes que tu observes pour la question de l'eau ne sont pas transversales finalement. Au fond, est-ce que dans d'autres contextes qui ne sont pas forcément liés à l'eau et qui ne sont pas liés à ce terrain-là, on n'a pas aussi des arrangements, des conflits voilà, qui. Sauf qu'on ne parle pas, on ne parle pas en Europe de vraiment d'informel et d'informel. Et pourtant, on peut avoir le genre de phénomène. Oui, exactement, parce que d'ailleurs, il y a sur tout ce qui est canaux d'irrigation dans le sud de la France, il y a aussi des travaux qui ont montré comment, en fait, l'urbanisation des structures, en fait, les réseaux d'eau traditionnels et le. que dans le contexte latino-américain, il est important de démontrer, en fait, je pense qu'il est important de réfléchir un peu à cette question formelle et informelle, puisque c'est de toute façon une différence qui dans le discours latino-américain, en fait, s'impose et qui, on est obligé, je pense, en tant que, si on réfléchit sur question, de proposer quand même des pistes de réflexion sur ce sujet. Et en fait, oui, c'est ça. En tout cas, ce qui est montré là, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas d'intégrer théoriquement l'ensemble des préoccupations environnementales à l'intérieur d'une loi urbaine qui dit comment on doit faire un lotissement ou une extension urbaine pour régler le problème. Toute comparaison avec ce qui se passe en France dans le domaine des innovations serait totalement assez proche, puisqu'en fait, ce qui cause le problème d'innovation qu'on a vu récemment, c'est bien une urbanisation qui, si on la prend si on prend les lotissements à part un, ils sont le plus souvent, ils respectent la loi, le plan local d'urbanisme, ils respectent les choses au niveau des réglementations formelles. Mais ensemble, ils créent toute une série de problèmes qui est de non prise en compte de leurs impacts. Et là, la question intéressante aussi sur ces grands lotissements, c'est qu'ils sont censés ne pas avoir d'impact. Donc ce qu'on dit aux paysans au départ, c'est vous inquiétez pas. L'eau qui sera rejetée sera totalement pure, donc on peut la rejeter n'importe où puisqu'elle sera totalement pure. Elle va quasiment remplacer l'eau d'irrigation, alors, parce qu'il y aura une station d'épuration. Et il y a effectivement une station d'épuration à l'intérieur, mais il faut encore avoir une station d'épuration qui fonctionne, qui soit contrôlée. Il ne suffit pas d'intégrer les choses encore. Mais effectivement, c'est des réflexions similaires parce que d'ailleurs, l'idée, c'est de partir de toute la réflexion qu'il y a maintenant en France, par exemple, sur le fait de ne pas construire en zone inondable. Enfin, comme on disait, c'était plus sur la question en France se pose plus au niveau du ruissellement, de l'évacuation des eaux et de justement. Mais donc, c'est une réflexion en termes d'urbanisme pour intégrer l'urbanisme et les questions de l'eau dès la phase provisionnelle. En fait, on va faire des plans urbains pour dire que ces zones en soi qui sont inondables sont pas constructibles et donc il y a quand même une réflexion. Dans tous les pays, au Brésil c'est pareil, donc ça se pose sur. Il y a plusieurs priorités, ça peut être par exemple sur la question de disponibilité de la ressource au Mexique qui finalement se pose en priorité. En France, sur les zones inondables, au Brésil c'est sur l'évacuation, je crois que c'est sur le drainage, voilà, c'est sur le drainage, pour éviter les favelas qui s'écroulent et tout ça. Donc il va se poser, mais qui est une question de comment intégrer ces questions pour faire un urbanisme qui soit plus respectueux et que du coup évite un certain nombre de problèmes en matière d'hydrique. Donc évidemment, c'est pas que l'urbanisation formelle est en soi une panacée pour tout. Là, c'était un peu un titre provocateur parce que c'est ce que vendent aussi les autorités mexicaines. Mais je sais pas si je comprends bien. Moi, j'ai une question-commentaire pour Monsieur Médé. Par rapport à l'illégalité des installations en milieu urbain, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça au Mexique, les invasiones. Du coup, des invasions d'habitat, mais aussi des commerçants. Quel est le sentiment ou le discours des autorités publiques et quel est aussi le discours de la population qui s'installe? Et comment il légitime le droit, disons, à un espace dans la ville ou le droit à l'accès à l'eau? Quels sont les discours de demande, disons, pour capter des droits? Dans le cas des invasions spécifiques? Pas forcément, mais c'est spécifiquement. Alors la question des invasions, effectivement, qu'on n'a pas traité, il y a un autre modèle sur la question de l'urbanisation latino-américaine, c'est cette question des parachutistes, c'est-à-dire l'idée que des gens viendraient, que la croissance urbaine serait faite par des groupes qui, la nuit, viendraient s'installer pour créer des choses illégales. Alors, le plus souvent, ce qu'on a vu ici, c'est que l'urbanisation illégale ou non réglementaire, c'est pas ça, c'est plutôt des lotissements clandestins, au sens où les gens vendent sans avoir vraiment le droit de vendre, ou sans avoir les terres, sans respecter la règle d'urbanisme, et les gens achètent et pensent avoir acheté quelque chose, même s'ils ne peuvent pas l'inscrire. Ça ressemble plutôt à du lotissement clandestin ou mal loti dont je parlais. Il y a aussi des invasions. Il y a eu des invasions massives au Pérou à certaines époques. Il y a aujourd'hui des invasions au Mexique, mais qui sont en général au Mexique plutôt interstitielle, parce qu'en fait c'est très compliqué et il y a assez peu d'invasions, par exemple sur les terres fidales dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en fait il y a une vigilance très grande des paysans. Et les invasions, enfin les choses qu'on appelait invasions sur les terres fidales, c'est plutôt des situations dans lesquelles certains héritataires, peut-être pas tous, avaient vendu plus ou moins légalement. Par contre, il y a des invasions sur des terres publiques ou sur des terres sur lesquelles il y a des projets qui souvent ont pour objectif de poser le problème du droit au logement, en fait, dans une stratégie qui peut ressembler à celle du droit au logement en France. C'est-à-dire on occupe des choses qui ont une très grande visibilité pour essayer de négocier un relogement, une terre. Il y a bien ces invasions-là qui ont un objectif souvent de montrer... Il y a aussi d'autres types d'invasions, on pourrait dire aux choses totalement illégales, sur des espaces protégés aujourd'hui. Avec d'ailleurs à Mexico une police des espaces protégés, avec des expulsions sur les espaces protégés au nom de l'environnement, qui se font aujourd'hui sur les espaces protégés et qui ne se font pas ailleurs. Il y a une thématique assez intéressante d'une nouvelle égalité créée par la protection de l'environnement et jusqu'où on peut aller pour protéger les espaces qui sont nécessaires pour la ville, pour la recharge des nappes phréatiques, par exemple, jusqu'où on peut aller dans l'éradication des bidonvilles existants, dans un contexte où, dans un autre contexte, le fait de déloger des gens est plutôt un peu compliqué. Donc ça, c'est plutôt pour les invasions liées au logement. Sur la question de l'occupation de l'espace public, il y a différents types de phénomènes qui sont souvent liés à des organisations qui peuvent négocier les droits ou à autre chose qui est l'existence néanmoins reconnue, même si elle est d'une certaine façon niée, d'une sorte de droit de nécessité. C'est-à-dire le fait qu'il faut nous laisser vendre dans la rue parce qu'on a besoin de travailler. Et de fait, cette situation sociale existe, et donc il est assez difficile de simplement dire qu'il suffit de nettoyer et d'éradiquer l'espace public. Alors même qu'il y a une géographie, il y a des endroits où c'est possible, des endroits où c'est pas possible, des endroits dans lesquels il y a des ambulants, des endroits où il n'y a pas d'ambulants, il y a des voisins qui rendent des choses impossibles, etc. Mais bon, on retrouve un peu la même chose sur d'autres types de localisation dans l'espace public en France. Mais là, c'est souvent plus massif. Éventuellement, avec des tensions fortes dans des quartiers populaires. Il y a deux interprétations sur les ambulants dans les quartiers populaires. Il y a l'interprétation un peu positive qui dit qu'il y a un système intégré dans lequel les gens vendent dans la rue, mais ils habitent aussi là, etc. etc. Et puis une interprétation qui est plus aussi de prendre en compte la nuisance, y compris pour les personnes des quartiers populaires, du fait d'avoir un marché dans la rue en permanence, qui souvent est occupé par des gens qui ne sont pas forcément non plus ceux de la rue et qui sont des associations qui, dans certains cas, sont des choses qui ressemblent à du mouvement social, mais dans certains cas, sont des associations qui sont quasi mafieuses, qui sont liées à des groupes politiques. Donc il y a un même phénomène dans la rue avec toute une série de gradations. Est-ce qu'il y a aussi de la privatisation de rues dans certains quartiers ? Parce qu'au Pérou, par exemple, il y a même des quartiers très populaires qui ferment des rues, des associations qui se forment, qui ferment des rues pour des raisons de sécurité. Oui, et ça très massivement en fait. Et à Mexico, il y a même une officine publique qui est chargée de vérifier à quel endroit c'est possible, acceptable ou pas, alors même qu'on est sur des rues qui étaient des rues de transit, c'est des rues qui sont fermées. Alors on ferme les rues pour différentes raisons, pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de nuisance de transit dans différents types de quartiers, y compris dans des quartiers, pas uniquement dans les quartiers de classe moyenne aisée, aussi dans les quartiers plus populaires. Et massivement, cette question-là devient y compris un problème en termes de circulation. Il y a des taxis qui se plaignent, des gens n'ont plus des endroits où vous passer. Des policiers qui sont mis dans la rue dans des endroits. Ça, c'est un phénomène massif, non, à Mexique. Mm-hmm. Alors, dans la cage, c'est vrai, aussi. Oui. Avec une sorte d'auto-organisation pour fermer. Avez-vous des commentaires? Je vais. Un commentaire aussi à Jade. ces espèces de parcages dans les grands lotissements. Ça ressemble à du. C'est comme un déplacement suggéré, disons, plutôt qu'un déplacement forcé ou. Comme dans le cas des déplacements pour des projets miniers, par exemple. On ne peut pas appeler ça un déplacement forcé, mais c'est plutôt un déplacement suggéré. Et en règle générale, justement pour les déplacements forcés, je crois qu'il n'y a aucun cas dans le monde où la nouvelle ville ou le nouveau village est construit avec des normes, disons, modernes. Il n'y a aucun cas dans le monde où le nouveau village est investi complètement, aucun cas où la nouvelle ville est vraiment habitée, en fait. Ça devient des villes fantômes, des villages fantômes. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans ce cas. Et là, du coup, c'est même pas des villages, en fait, parce qu'il y a... supposément, la seule chose qui ont... Comme ils se sont aperçus qu'il n'y avait quand même pas d'école, rien du tout... Ils ont supposément, enfin les nouvelles lois disaient qu'il fallait réserver un certain espace pour un équipement public, donc un mini-parc, peut-être une école, mais il n'y a pas de commerce. Après, si c'est des gens qui n'ont pas de voiture, donc en fait, tu ne peux pas non plus sortir de l'entissement. Et en fait, donc le problème, voilà, après, par rapport, moi ce que j'étudie plus spécifiquement, c'est vraiment la question de l'eau, mais c'est vrai que quand tu parles avec les gens des villages, d'ailleurs, on ne voit pas le village, mais il est tout près, en fait, le village traditionnel, ils vont te dire qu'effectivement, c'est un problème en plusieurs termes, c'est un problème en termes politiques, puisqu'en fait, du coup, il y a des municipes où en fait, les gens originaires sont devenus minoritaires par rapport à... Enfin, qui puissent voter aux élections sont devenus minoritaires par rapport à ces populations, à l'échelle du municipe et du vote, en tout cas. Donc ils perdent un poids politique, ils perdent également, ils vont te dire que ces gens n'ont pas d'école, donc ils vont venir envahir leurs services qui sont déjà en fait, on est quand même dans des villages qui au niveau des services sont déjà marginalisés au niveau des écoles et tout, et qui disent en plus ils vont venir demander des services, ça crée de la délinquance, donc il y a tout un discours complémentaire sur ces situations. Mais on serait plus dans des situations où en fait les gens de ces lotissements sont obligés d'aller dans un village chercher des services en fait, donc on est vraiment... Ce qui crée des tensions. Et moi, je crois qu'on revient au discours des politiques de la Syrie, au niveau de la question de conscience. Enfin, ils ont un discours en quelque façon, disons, mais ils doivent bien connaître un peu près cette question. Il y a eu beaucoup, alors après, c'est vraiment la question politique, il y a eu beaucoup, enfin, ces grands logements ont été aussi promus pour. Pour promouvoir les entreprises immobilières, il y a quand même des gens qui se sont enrichis sur le chemin. Et ça a été une politique des gouvernements balistas, ce qu'ils appellent du PAN, le Parti d'Action Nationale, puisqu'en fait, donc, l'accusation, enfin, c'est ce qui se dit, et qu'il n'y a pas. Bon, alors après, il faudrait faire toute une enquête journalistique sur cette situation. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ceux qui se sont enrichis, qui possédaient ces compagnies immobilières, on a 3-4, enfin, 4 grandes à niveau national, étaient en fait les enfants de celle qui était la première dame. Celle qui était l'épouse du président, en fait. Donc les enfants de l'épouse du président étaient propriétaires de ces compagnies. Donc il y a quand même il y avait un intérêt économique évident dans la promotion de ce type de logement. Et en fait, là, avec l'arrivée de le retour du Parti révolutionnaire institutionnel, les règles d'accès au crédit ont été modifiées. Donc ça veut dire qu'à cette époque, pour promouvoir, parce qu'il fallait quand même s'assurer que les gens achètent, quand tu vois ça sur le marché, en fait, c'est pas très attractif, même pour les impôts. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, les gens qui étaient en fait travailleurs salariés étaient obligés, en fait, d'exercer leur crédit sur ce type de logement. Donc forcément, c'était une demande captive, en fait, les gens étaient obligés d'acheter ici, même si tu n'avais pas vraiment envie. Et donc depuis cette année ou l'année dernière, en fait, les règles de crédit ont été réformées. Donc maintenant, il est possible d'acheter en fait des maisons qui ne sont pas du tout sur ce type de marché. Et du coup, en fait, plusieurs compagnies immobilières ont fait faillite. Donc en fait, il y a quand même une politique. Enfin, disons que il y avait toute une politique publique qui appuyait en fait que ce type de logement puisse se développer. Et maintenant, je pense que dans maintenant ces années-là, ils vont être. Mais c'est pas le discours environnemental vraiment qui fait que la politique, cette politique de logement va être abandonnée, c'est d'autres, C'est plus, à mon avis, des intérêts économiques et... Donc ça pose quand même le problème de la corruption par rapport au processus d'organisation. Ouais. Apparemment, il y a des conflits d'intérêts qui dépassent l'État ou bien qui tombent dans l'État, qui jouent un rôle là-dedans. Donc ça, c'est peut-être une spécificité, je ne sais pas, législative, mais bon... je me posais aussi le problème des villes qui échappent au pouvoir de l'État, les villes, justement, de la guerre du Mexique, de la mafia, qui ont très grand rôle. Là aussi, comment sont réglés les problèmes, les populations qui subissent des choses, qui ont l'appel à l'État, quels sont les problèmes qui apparaissent à ce niveau-là. Je voudrais vous poser un troisième problème, c'est sur les risques. Parce que le risque, c'est quelque chose qui est sans doute spécifique à l'Amérique latine, après ce qui est dans votre exposé. Moi, je me rappelle le tremblement de terre qui a eu lieu du côté de Santiago Valparaiso il y a 5-6 ans. Hein. Bon, les gens ne sont toujours pas relogés. Ils sont en train de baraquer en bois et ça se chiffre par des dizaines de milliers de personnes, si ce n'est plus. Donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a une politique par rapport à ça, par rapport à l'organisation, est-ce qu'il y a des règles qui sont mises en place, ou là encore, est-ce que c'est le laisser-aller qui joue comme ça a été le cas, par exemple, au Chili, parce que quand même, le problème du libéralisme, il impacte quand même fortement le processus d'organisation. Hein, au Mexique, il y avait quand même, c'est pour ça que vraiment, le permis justement de réfléchir à urbanisation régulière et irrégulière, dans le sens où il y avait toujours l'excuse pour les autorités de se dire bah, c'est pas de ma faute finalement, les maisons sont tombées, mais c'est de leur faute, se sont installées dans des zones, et c'est un peu ce qu'on voit au Brésil et dans tout. C'est de leur faute, les favelas sont mal installées, sont désinstallées dans des endroits avec des risques inondables, avec des risques de. Oui, non, mais il y a aussi des solutions dans des zones qui sont. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pris en compte? Donc, par rapport à ça, quelle est la politique urbaine? C'est une politique urbaine par rapport à ces problèmes de fin de bancaire, ou bien est-ce qu'on espère? Quel est le poids des corruptions? Quel est le poids des corruptions? À Mexico, en tout cas, qui a eu un très grave tremblement de terre en 1985, il y a des normes maintenant de construction pour éviter, au niveau des constructions des grands immeubles, pour avoir des protections contre les sismes. Après, ce que je sais, c'est que sur les risques, c'est des politiques qui sont beaucoup plus développées au Pérou, enfin justement dans cette région qui est très sensible autrement. J'ai des amis qui sont à l'IFEA au Pérou et qui justement travaillent sur cette question de la gestion des risques. Donc c'est beaucoup plus en Amérique du Sud, en Costa Rica. Au Mexique, j'ai l'impression que pas tellement. Enfin, je ne sais pas si les risques sont moins risqués, mais en tout cas sur la tremblement de terre, oui, à Mexico, mais sur, enfin, en tant que politique développée par l'État, je sais que par exemple au Pérou, il y a eu un accord de coopération avec l'Union européenne et tout, justement, pour faire tout un espèce de atlas sur les risques urbains pour diminuer, voir les réactions, voir la vulnérabilité des populations. Et au Mexique, je n'ai pas l'impression que tout ce travail au niveau de la zonification urbaine pour diminuer les risques. Moi, j'ai l'impression que c'est plus en tout cas. Enfin, j'en ai plus entendu parler en Mexique, on n'est pas tant plus entendu parler de ça. Mais même ailleurs en Amérique latine, est-ce qu'il y a des réactions des populations par rapport à ça? Est-ce que justement les gens de ces quartiers sont menacés, demandent de la part de la population? Oui, je peux dire sur la question du risque, il y a une chose. Les populations sont souvent dans une situation ambiguë, mais entre la nature en France, c'est-à-dire il est assez difficile de stigmatiser l'endroit où on habite. Les gens qui travaillent en France sur la question du risque industriel présent dans la vallée de la Chimie à Lyon ou ailleurs montrent que, étonnamment, à certains endroits, il n'y a pas de mobilisation sur la question du risque parce qu'il y a une très grande proximité avec les entreprises. Donc on retrouve des choses comme ça au Mexique sur la question du risque chimique qui est très important, et qui avec des gens, moi j'avais vu à Monterrey, qui me disaient « nous on n'a pas peur de la chimie ». Donc il est assez difficile à ce moment-là de se mobiliser. Les mobilisations sur ces questions de risque sont complexes. Sur les risques naturels, les mobilisations peuvent être aussi complexes lorsqu'il s'agit de construction informelle, puisqu'en fait, ce qui peut arriver, et ce qui arrive quand même, sur ces zones qui sont vraiment à risque, c'est que les gens soient délogés, enfin, soient relogés ou soient simplement expulsés. Puisqu'en fait, si la majorité, on a dit que ça ne ressemble pas à des bidonvilles, etc., mais il y a des bidonvilles au Mexique, il y a des choses qui sont des constructions qui ne sont pas des constructions en dur, mais qui sont justement dans des zones à très grand risque d'éboulement, etc., avec des gens qui sont susceptibles d'être d'être expulsés, et les autres qui sont un peu interstitiels. Donc il est très difficile pour ces gens qui habitent dans des situations de risque, qui vraisemblablement est classifié comme inconstructible, d'ensuite de se mobiliser pour être pris en compte. Donc là, il y a un jeu un peu compliqué. Et inversement, il y a des pays comme Bogota, il y a des pays comme la Colombie, d'ailleurs, avec la Bogota, il y a un grand débat sur l'utilisation, sur le fait de qualifier à risque qu'une partie des zones qui montent sur le cerro, sur la montagne. Et les gens qui habitaient là disaient, mais c'est pas risqué, en fait. Il n'y a pas eu d'éboulement, etc. Et en fait, c'est un prétexte pour nous expulser, pour faire entrer les compagnies immobilières, etc. Donc la question du risque, elle est, me semble-t-il, complexe. Alors bien sûr, alors au Mexique, d'ailleurs, il y a des normes qui sont de plus en plus renforcées, etc., etc. Mais en même temps, il y a aussi des scandales, il y a aussi des moments où les constructions ne sont pas respectées, etc. Enfin, tous ces choses-là existent en même temps. Mais peut-être que ce qui est plus présent quand même, c'est les risques liés à la grande proximité entre des activités et des personnes qui habitent pour des grandes entreprises, mais aussi pour des micro-entreprises qui peuvent aussi comporter des risques importants pour les voisins. Donc cette question de risque diffus est peut-être moins présente. Oui, bonjour. Je voudrais rebondir justement sur cette question du risque et pour revenir sur les gens d'IFA de Pérou, parce que je sais qu'il y a un groupe de chercheurs qui travaille sur ça. Au Pérou, bah, justement, il y a des grands risques de déboulement de terrain et de tremblement de terre, notamment sur la partie de la côte. Et du coup, il y a des organisations de quartiers qui se sont formées, je ne sais pas si je ne parle pas de trop de bêtises. Conjointement avec les autorités, donc la police et les mairies de certains grands quartiers de Lima, ils s'organisent pour essayer de, dès qu'il y a un risque de tremblement de terre, s'organiser pour donner l'alerte, enfin des choses très simples qui vont faire que concrètement il y aura beaucoup moins de victimes, se donner l'alerte. Ça me fait penser à ça. Une organisation assez qui allie la formalité des institutions, enfin de la police et de la mairie, et informel, du coup, c'est les gens du quartier qui vont chercher ces. Et au Pérou, ce que je sais, c'est qu'il y a tout un travail sur la résilience et la capacité de réaction des politiques pour justement diminuer le risque. Je pense qu'il y a au niveau de politique publique au Mexique, on n'est pas du tout dans cette situation. À part sur le tremblement de terre à Mexico, mais c'est vraiment au niveau des immeubles, je ne suis pas sûre que ce soit. Pas toute cette réflexion, en tout cas, ce projet de recherche, on avait fait connaître sur le fait de vraiment comment diminuer les risques, comment adapter les populations. Et par ailleurs, au Mexique, même dans les endroits à risque, les populations restent très attachées, ce que disait Patrice, à leur terre. Ce n'est pas des gens qui demandent une relocalisation, c'est plutôt des gens qui s'opposent à la relocalisation. Dans tous les cas, qui sont finalement. Et je pense que c'est dans beaucoup de villes d'Amérique latine qui ont en fait internalisé le risque de vivre où ils habitent et qui se disent on a bien vécu 20 ans là, on pourra en vivre 10 ans. Alors après, quand il y a des catastrophes qui arrivent, évidemment, les discours peuvent changer, mais une relocalisation de l'État, généralement sans catastrophe ou au milieu, c'est quand même très mal vécu et c'est effectivement accusé de tentative d'expropriation pour relocaliser des installations. Je pense qu'on peut, s'il n'y a plus de commentaires et de questions, on peut continuer la discussion autour d'un verre ou d'un gâteau. J'ai une chose. Jade a une autre vie, en fait. Une autre ? Jade a une autre vie, en fait. Et vous pouvez nous en parler. Alors, je voulais ramener pour ouvrir un peu le débat sur le Mexique et l'Amérique latine, je vous ai ramené des CD-ROM et des affiches sur la question de la liberté de la presse au Mexique. Et c'est des mini-documentaires que font des amis qui travaillent pour Article 19, qui est une ONG, partout qui travaille sur pour défendre la liberté de la presse et contre les agressions de journalistes. Et donc le Mexique est dans une situation pire que. Aussi dangereuse pour l'Afghanistan que l'Afghanistan au niveau de la liberté de la presse. Et du coup, j'ai ramené quelques exemplaires si ça intéresse. Vous pouvez les prendre si vous voulez en savoir plus, mais c'est des très bons documentaires qui expliquent vraiment cette situation, les journalistes au Mexique. Donc voilà, c'est simple. Est-ce qu'il y a d'autres types de conflits au Mexique? On n'a pas évoqué la violence, mais c'est difficile. Merci à vous. Merci.